rap dans toutes ses coutures. Beaucoup se répètent, ça joue de la trompette. Le rap se perd, non le rap est sans repère. Le bon rap c'est pas de se voir sur des posters. On écrit notre vécu, on fait pas ça pour la thune. Quand j'ai besoin d'évasion, bah je fais crier ma plume. Reste cool quand je résume, on consomme de la résine. Les jaloux nous voient sur image, on leur crame la rétine. Dans l'âge ou en film, on son glisse dans tes oreilles. Sans mettre de vaseline, j'enchaîne les rimes comme un boxeur sur un ring. Le rap est cabossé, chaque phrase on a bossé. Dans sens inverse du poil, le rap on a bossé. À chaque claps, les jaloux prennent la fessée. Et ça repart le cerveau blessé. Ça claque comme un fouet, la terre on va faire trembler. Tellement on est pas rire qu'à mon qui tu vas kiffer. Car on a de la tuerie qui sait pas, tout le monde à terre au bruit des balles. C'est de la bonne musique qui les gars, reste à l'écart. Ça c'est bouillant, le rap du sable mouvant. Comme d'hab on rap et les faux MC se barrent en courant. Mookie Air, car on a de la tuerie qui sait pas, tout le monde à terre au bruit des balles. C'est de la bonne musique qui les gars, reste à l'écart. Ça c'est bouillant, le rap du sable mouvant. Comme d'hab on rap et les faux MC se barrent en courant. Rap de barbe rousse, fils, c'est pas du rap de tous, biche. Pourquoi tu craques, c'est mon kid animal face à des moustiques, sous bif. Man évite les courses, poursuite. Pas de coup de blouse, ta prod dans la bouille tout de suite. Et ça court pour le billet. Dans le rap, toi tu sais, j'ai tout scié. Y'a trop de pédales, ils sont prêts à tout pour signer. J'viens tout bousiller, j'viens réciter les récits, rectifier le tir. J'suis pas venu pour vous cibler. J'm'évade dans le rap pour les mecs sur le côté, pour les mecs de ma cité, les mecs d'à côté. Y'a pire, ouais, gros, c'est la guerre, c'est du commerce, mais t'as pas poté. Génération nique, t'as remet. Arrête de parler si t'aimes pas le son, mais à fond, puis si tu kiffes, bah remet. Illégal comme les armes et la cocaïne, man. Et les gars précieuses, la musique, heureusement que j'ai la rime trop maligne. Arrête de faire genre qu'à Paname tu pèses. Si t'es pas numéro 1, fais la banane du siècle. Mookie Air, car on a de la tuerie qui sait pas, tout le monde à terre au bruit des balles. C'est de la bonne musique qui les gars, reste à l'écart. Ça c'est bouillant, le rap du sable mouvant. Comme d'hab on rap et les faux MC se barrent en courant. Mookie Air, car on a de la tuerie qui sait pas, tout le monde à terre au bruit des balles. C'est de la bonne musique qui les gars, reste à l'écart. Ça c'est bouillant, le rap du sable mouvant. Comme d'hab on rap et les faux MC se barrent en courant.